Alors moi c'est plus le match, il était un peu dur, on a su jouer devant le but. Il y a un peu de mal. Mais non, je barrage, j'espère qu'on va gagner. On vise la Ligue 2. Inch'Allah. Ajoutez-moi sur Snap 8nez.p7. C'est bon. Hein? Et rendez-vous mardi aussi. Prochain match, Inch'Allah, on peut gagner. C'est bon. C'est qui, monsieur? Vous êtes qui, vous, monsieur? Ouais, bah. Vous pouvez me donner le site après? Prenez-nous du son. Popo. Hey. Popo. Popo. Popo. Popo. Sur internet, non? C'est quoi? Attends, moi, c'est en tout cas, venez voir les U15 féminines. Ouais. Voilà. Charlotte, tu me suis. Maëlys, tu me suis. Bon, au revoir. Au revoir. Je vais me donner le site. Tu pars avec qui? Avec le panneau frère. Ça va durer là, ils vont nous entendre parler et tout. C'est trop bien ça.